5 personnes arrivées en attendaient 9 autres. C'était d'abord Bixiou, le sel de toute cuisine intellectuelle, encore debout en 1843, avec une armure de plaisanterie toujours neuve, phénomène aussi rare à Paris que la vertu. Puis Léon de Lora, le plus grand peintre de paysages et de marines existants, qui gardait sur tous ses rivaux l'avantage de ne jamais se trouver au-dessous de ses débuts. Les Lorettes ne pouvaient pas se passer de ces deux rois du bon mot. Pas de souper, pas de dîner, pas de partie sans eux. Séraphine Ciné, dite Carabine, en sa qualité de maîtresse en titre de l'amphitryon, était venue l'une des premières et faisait resplendir sous les nappes de lumière ses épaules sans rivale à Paris, un cou tourné comme par un tourneur, sans un pli. Son visage mutin et sa robe de satin broché, bleu sur bleu, ornée de dentelles d'Angleterre, en quantité suffisante à nourrir un village pendant un mois. La jolie Jenny Cadine, qui ne jouait pas à son théâtre, et dont le portrait est trop connu pour en dire quoi que ce soit, arriva dans une toilette d'une richesse fabuleuse. Une partie, toujours pour ces dames, un long champ de toilette, où chacune d'elles veut faire obtenir le prix à son millionnaire en disant à ses rivales « Voilà le prix que je vaux !»